Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching, décrypter les habitudes des milliardaires, adopter leurs pensées et peut-être devenir riche à notre tour. Voilà un sujet qui fascine et même pour certains un but. Les vidéos sur cette thématique fleurissent sur Internet. Mais qu'en pense le coach? Comment adopter des habitudes de milliardaires dans notre quotidien à nous et surtout pour quels résultats? Marion Tilly est avec nous aujourd'hui, accompagnatrice en bien-être et développement personnel pour décrypter ce sujet ensemble. Marion, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vaste sujet donc. Première question, pourquoi nous intéressons-nous aux habitudes de vie et de pensée des milliardaires? Alors, c'est tout simple, mais en fait, vu qu'ils réussissent, qu'ils ont eu un gros succès, parce que quand on est milliardaire, je pense que c'est un gros succès, on peut le dire comme ça. Vu qu'ils réussissent un gros but, un gros projet, du coup, bah nous, on veut la même chose, forcément, que ce soit au niveau de l'argent ou de gros projets de vie, on veut la même chose, c'est-à-dire on veut la même façon de voir le monde, de l'appréhender, de l'interpréter et du coup, de réussir. Du coup, on va venir copier, s'inspirer et on va venir dupliquer, du coup, à nos vies, leurs propres habitudes, du coup, bah, de réussite. Et moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est que le mental, ça fait 80%, voire même un peu plus du job, selon moi, de la réussite. Pour moi, c'est vraiment le mental, c'est-à-dire la pensée, qui crée une émotion. Et de cette émotion vient découler une action. C'est là où on va se mettre en action. Et donc, après l'action, on a nos résultats. Donc, si à la base, notre pensée, elle va être, par exemple, basse et pessimiste, on va vraiment se sentir bah, pas forcément au meilleur de notre forme, on va pas se sentir bien, on va être négatif. Donc, notre émotion, elle va être tournée aussi négativement. Et là, on va douter de soi, on va douter de ses capacités, de ses compétences. Et Voilà, c'est ça. Et puis finalement, bah, l'action qu'on va mener après, elle va être dirigée aussi dans ce sens. Et une action qui est dirigée négativement en étant complètement pessimiste, forcément, ça va découler quelque chose qu'on ne veut pas. On ne va pas être à la hauteur. Voilà, on va pas y arriver. Ou du moins, on ne va pas atteindre le résultat à la hauteur qu'on espérait, quoi. Et donc, le problème, en fait, avec ce cheminement qui est pour tout le monde, hein, pensée, émotion, action, résultat, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on va ancrer ces résultats en nous de la manière, en fait, dont on va venir l'interpréter. C'est-à-dire que si on ne l'interprète pas bien, quand on est donc en échec, admettons qu'on est vraiment pessimiste et qu'on a échoué, là, du coup, on va cultiver encore plus une pensée négative parce qu'on va se sentir mal, on va encore plus perdre confiance en nous, on va encore plus perdre nos capacités de réussite, etc. Et donc, on va créer un cercle vicieux. Et du coup, il faut travailler sa pensée, son mindset, qui pour moi est vraiment à la base de tout, à peu près 80-90%. Et du coup, en fait, quand on travaille une pensée qui, du coup, va être plus positive et optimiste, notre émotion va être plus positive et optimiste, etc., etc. Et ce qu'on peut, du coup, déduire des milliardaires, c'est qu'eux, ils ont un mindset qui va être vraiment optimiste, tourné vers la réussite et pas autodestructeur, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à eux et qu'on va venir voir un petit peu leurs habitudes de vie, comment ils font ça. Ok, alors justement, comment font-ils ça? Si on prend par exemple Elon Musk, qui lui est multimilliardaire, on ne le présente plus. Quelles habitudes parlons-nous? Alors, moi, j'adore prendre l'exemple d'Elon Musk parce que c'est tout un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je pense que ça nous touche tous en plus aujourd'hui, son travail, etc., l'avancée des technologies et tout. Et en fait, j'ai remarqué que déjà quand il a une idée, enfin, j'ai remarqué, il le dit de lui-même, mais j'ai conscientisé ce qu'il avait dit. Quand il a une idée, quand il a une pensée ou une simple théorie, il ne va pas attendre. Il ne va pas juste travailler la théorie comme dans un des documentaires, je ne sais plus c'est lequel, disponible sur Netflix. Ils disent bien qu'à la NASA, ça va être la théorie qui doit être parfaite avant de lancer les projets. Et lui, il est arrivé avec SpaceX et il a dit bah, « moi, j'ai une idée, on va tout de suite construire et on va voir c'est quoi le résultat ». Donc déjà, on peut noter qu'il n'a pas peur de l'échec. Même si sa théorie n'est pas travaillée à 100%, il n'est pas sûr que ça va réussir, ce n'est pas grave, il n'a pas peur de l'échec. Au contraire, il va foncer vraiment, il construit tout, il fonce dans le tas. Et si ça ne fonctionne pas, comme la plupart du temps, parce qu'on n'a pas toujours des résultats tout de suite dans matière de tout ce qui est conquête de l'espace et de Mars et tout, quand ça fonctionne pas, bah, en fait, il est pas abattu. Il va pas se dire, ah bah du coup, j'y arriverai jamais. Voilà, il n'est pas du coup pessimiste, il va pas enfin, je pense qu'il peut douter de lui, il est humain comme tout le monde, c'est pas encore prouvé que c'est un robot, mais en gros, il va venir chercher des solutions. Justement, il va aller trouver là où il y a eu un problème, donc bah dans la fabrication, dans la théorie à la base, et il va recommencer encore et encore et encore jusqu'à atteindre bah, ce qu'il veut atteindre. Et enfin, je dis il depuis tout à l'heure, mais ça me rappelle une anecdote. Il a toute une équipe, évidemment, c'est des milliers de personnes. J'avais vu le chiffre, dans un documentaire, je ne sais plus combien, mais en tout cas, je me rappelle très bien qu'il avait dit, on était des milliers, on a pris 7 années entières d'acharnement à travailler sur les fusées réutilisables. Et à la base, ces fusées, pour tout le monde, y compris pour la NASA, c'était impossible à construire, c'était infaisable. Et lui, il s'est dit, c'est pas grave, on va essayer. On a l'idée juste de fusées réutilisables, on va construire encore et encore. Et finalement, après un acharnement et je ne sais pas combien de milliers d'erreurs et de casses et d'argent dépensé, etc., bah, il a réussi et aujourd'hui, c'est possible. Et aujourd'hui, nos fusées sont réutilisables. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Comme il savait ce qu'il faisait. Voilà, il n'a pas abandonné, il n'a pas eu peur de l'échec. Et le fait de ne pas avoir peur de l'échec et de se lancer, du coup, bah, son mindset, il a toujours été optimiste, il avait toujours espoir. Et puis voilà, donc en fait, c'est moi ce que j'appelle du coup la méthode essai-erreur. C'est tu fais des essais, même si tu as des erreurs, c'est pas grave, tu recommences un essai encore et encore jusqu'à temps de trouver la solution. Voilà. Oh, un super modèle. Alors, quelles sont selon toi les habitudes des milliardaires à suivre ? Alors, du coup, j'en ai plus ou moins 8, il me semble. Il doit y en avoir certainement d'autres, hein, mais c'est ce que moi je vois. De récurrent. Je fais quelque chose de vraiment. Voilà. C'est pour moi, c'est récurrent dans tout ce que je lis dans les bouquins, dans tous ces trucs-là. Déjà, la première, ça peut paraître tout bête, mais c'est ils plantent des petites graines. C'est-à-dire que quand ils ont une idée, même une toute petite idée, et un projet, une envie, etc., ils commencent petit à petit à travailler dessus et ils se lancent. Et je trouve que c'est bien à nous, notre principal frein, c'est que nous, on va penser à quelque chose, et puis on va y penser, et puis on va y penser, et puis on va forcément, enfin, on va pas se lancer, tu vois. On va en rêver, on va faire des plans sur la comète, comme on dit, mais on va pas commencer par les petits prémices à poser des petites graines. À chaque fois que j'ai croisé des biographies, des documentaires sur des milliardaires, à chaque fois, ils commençaient tôt et ils posaient des petites graines par-ci, par-là. Donc ça, c'est la première habitude à adopter, c'est poser des petites graines, tenter, après on sait pas. Et si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tant pis, il y en a d'autres de planter. Voilà. La deuxième habitude, c'est qu'ils se posent du coup souvent des questions. Ils sont curieux. J'ai remarqué ça aussi beaucoup chez Elon Musk. Il est très curieux et en fait, il se contente pas de rester dans ses acquis. C'est pas parce qu'il est milliardaire et du coup très intelligent parce qu'il a développé SpaceX et tout qu'il va s'arrêter là et se dire c'est bon, moi j'ai une grosse tête. Voilà. Voilà, et en fait, juste, ils vont transmettre leur savoir, ça j'ai remarqué ça beaucoup, mais ils ne vont pas avoir l'ego qui va dire c'est bon, moi j'ai tout et plus personne ne peut rien m'apprendre. Ils vont encore plus s'instruire. J'ai l'impression que du coup, ça c'est vraiment personnel, j'ai l'impression qu'ils s'instruisent encore plus et je pense que ça doit être une habitude vraiment à prendre parce que plus tu vas rester dans tes acquis, bah, plus tu vas stagner finalement. Donc. Dans ton microcosme. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était la deuxième habitude. La troisième, c'est qu'ils font des erreurs. Voilà, comme tout le monde, ils ne sont pas, pas super-héros. C'est une habitude à prendre. C'est un peu contradictoire de se dire ça, mais il faut vraiment prendre l'habitude de faire des erreurs par soi-même. D'ailleurs, il y avait une phrase que j'avais croisée dans un bouquin. Je l'ai ressortie, je l'ai notée. Je vais te la lire. Donc voilà, c'était « À l'avenir, quand vous serez en échec, dites-vous que les erreurs sont le mode d'emploi de votre réussite. » C'est beau. Cette phrase. Et vraiment, c'est dans les leçons des erreurs, comment on interprète les erreurs, les échecs, etc., qu'on tire des leçons, qu'on avance et qu'on réussit. D'où l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est parfait. Ensuite, autre habitude, je ne sais plus, c'est la combien ? 4. La 4 ? 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième, c'est la quatrième. Ils n'essaient pas de trouver d'excuses, de se trouver des excuses. C'est-à-dire que nous, on a plus tendance à dire c'est à cause de l'autre, ou de ci ou de ça, que je n'ai pas réussi. C'est des excuses plus ou moins extérieures. Mmh. Finalement, quand on pense comme ça, on stagne. Parce que ça veut dire qu'on ne se remet pas en question, on ne vient pas se demander à quel moment c'est notre comportement ou notre pensée ou nos émotions, etc., qui ont été la cause de la non-réussite. Et eux, pour qu'ils soient toujours dans l'essai-erreur, il faut forcément qu'ils se remettent en question. Et donc, ils ne se trouvent pas d'excuses. Ils se disent juste, ça n'a pas marché. Ok, très bien, ils ne vont pas aller chercher faute à qui, à quoi. Enfin, faute à qui, ils vont juste se demander faute à quoi, il est où le problème pour que j'aille travailler dessus. Donc, ne pas se trouver d'excuses, ça, je pense que c'est notre propre aussi à nous, Français ou Occidentaux. C'est, on adore trouver des excuses. Donc, il faut travailler là-dessus pour du coup bah, nous apporter quelque chose. Il ne faut pas pour autant se descendre à se dire « c'est ma faute, c'est moi, je ne suis pas douée », etc. Parce que... On est humain, c'est ce que tu disais, voilà. Voilà, on est humain. Mais voilà. On n'est pas en cause le talent ou tout ça. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que juste je peux m'améliorer. Autre habitude, c'est qu'ils sont obstinés. Être obstiné dans la vie, c'est cool. Personnellement, je pense que je le suis un petit peu. Bien lâché. C'est être obstiné, bon, dans le bon sens du terme, parce que des fois, on peut dire que c'est un défaut. Je pense, à mon avis, que ça peut être une très, très bonne qualité. La preuve, j'ai remarqué ça chez tous les milliardaires donc, que je connais. En fait, encore une fois, la méthode essai-erreur. Si tu n'es pas obstiné, aux premières difficultés, aux premiers obstacles ou après une ou deux erreurs, tu vas te dire « bon, bah, ça ne marche pas » ou « c'est pas pour moi » ou « je ne suis pas douée pour ça ». Et du coup, bah, tu vas abandonner. Alors que quand tu es obstiné, quand tu te dis « il faut que j'y arrive, je vais aller jusqu'au bout », même si tout le monde me dit que c'est impossible, Elon avec ses fusées réutilisables, tout le monde lui disait « ça ne marchera jamais, c'est infaisable ». Et pourtant, il a été très largement obstiné. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus que ça, quoi, des fusées réutilisables. Donc voilà, ils cherchent en fait des solutions à leurs obstacles. Donc ça, pour amener cette nouvelle habitude dans notre vie, je pense qu'il faut vraiment adapter notre pensée à chercher des solutions. Là, on va trouver un obstacle, on ne va pas se dire c'est un mur, c'est infranchissable. Il faut trouver la petite pierre qui va faire tout s'écrouler ou chercher une petite pioche pour aller faire un petit trou, essayer de passer. Voilà. Si je dois donner une image, je pense que je le verrai comme ça. Ah, on l'a bien. Ensuite, il y a ne pas hésiter à demander de l'aide et à s'entourer. Ça, c'est pareil quand on n'a pas confiance en soi, on a... je pense, du mal à aller vers les autres, que ce soit pour notre santé mentale aussi, mais pour tout projet de vie. Avancer seul, parfois c'est bien, mais on ne va pas forcément aller plus loin, on ne va pas forcément avoir tous les avis, parce qu'avoir l'avis des autres, c'est aussi ultra important, et ça nous ouvre plus de champs des possibles, on va dire, et s'entourer surtout, mais des bonnes personnes, évidemment. Ça... peut-être plus que nous-mêmes, mais voilà, des gens spécialisés, etc. Voilà. Ouais. Bah, comme Elon Musk, qui a créé toute son équipe de milliers de personnes. Chacun était plus ou moins expert dans son domaine. Et du coup, bah, il a appris à leurs contacts. Eux-mêmes ont appris au contact d'Elon et puis de tous les autres. Et finalement, bah, avec cet effet de groupe, on s'élève, on apprend des choses, on peut se soutenir aussi, on peut trouver d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé, etc. Donc, pour tout ce qui est réussite, que ce soit argent ou autre, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et puis finalement aussi, pour le positif, pour le bonheur personnel, ça aide vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai remarqué aussi qu'un milliardaire n'est jamais tout seul. Il a forcément une équipe de dingue. Donc voilà, il faut s'entourer. Chaque jour, ils prennent soin d'eux. C'est l'avant-dernière, il me semble, la septième. Ils prennent soin d'eux, donc autant physiquement que mentalement, émotionnellement, psychiquement. Ils font attention, ils font du sport. Généralement, ils sont tous très sportifs. Ils font attention à leur sommeil. Ils ont de bons cycles de sommeil, même si c'est que 6 heures parce qu'ils ont des vies de dingue. C'est 6 heures où ça va être vraiment un sommeil reconstructeur. Ils vont avoir une alimentation impeccable. Enfin, après, je ne dis pas qu'il faut non plus être une machine, mais c'est une habitude que j'ai remarquée vraiment récurrente. Ils font vraiment attention à tout. Ils se mettent au devant de la scène. Ils ne se laissent pas de côté pour dire « c'est mon projet » comme tous ceux qui sont à fond dans leur boulot et qui s'oublient. On peut penser que être à fond dans son boulot pour justement avoir la réussite, du coup, bah, ça aide parce qu'on se dit « voilà, je suis à 100% dedans et puis je donne tout et puis je dors quasiment pas parce que je fais 80 heures la semaine ». Il faut prendre soin de soi, autant physiquement, l'alimentation, le sport, le tout, et aussi du coup le mental, parce que le corps et l'esprit, c'est totalement lié. Donc si notre corps ne va pas bien, mentalement, on va se sentir beaucoup moins bien. Et inversement, c'est pareil. Quand dans notre tête, on ne va pas bien, le corps, il dit « allez, ciao ». Donc, ils prennent soin d'eux, vraiment. Donc, du coup, la dernière habitude, c'est qu'ils vivent dans le moment présent, l'instant T. Avoir des regrets, des remords, ça n'a jamais aidé n'importe qui à réussir dans la vie. Voilà. Et en général, regrets, remords, c'est jamais dans le présent. Donc, je pense qu'en fait, ils ne perdent pas de temps dans le moment présent à se faire du souci pour le passé parce que c'est passé. Ouais. Et auquel cas, normalement, ils ont déjà travaillé dessus pour avoir leurs résultats, etc. Et vu qu'en ce qui concerne l'avenir, le futur, bah, c'est eux qui le créent dans leur présent, justement. Donc, pour moi, ils sont vraiment ancrés dans le présent à travailler sur eux, à travailler sur leurs projets et sur leur réussite. Je pense qu'ils font comme tout le monde hein, et qu'ils ont des objectifs sur le long terme. Mais niveau plan sur la comète, à se dire je serai où dans 20 ans et du coup, je suis déjà en train de faire ma to-do list pour dans 20 ans, ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Ils sont vraiment dans le présent parce qu'ils savent pertinemment que c'est aujourd'hui qu'ils créent tout. Ils créent tout avec leurs pensées, etc. Donc voilà, je pense qu'ils se concentrent dessus et que ça doit être une habitude de vie qu'on doit aussi avoir. Voilà pour les 8 habitudes. 8 habitudes qu'il ne nous reste plus qu'à adopter. Donc. Et quelle est ta conclusion toi, de tout ça, Marion, quand on voit justement ces réussites-là, l'énergie qu'ils y mettent, donc leurs habitudes hein, qui sont finalement assez strictes. Mais voilà, qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça? Bah déjà, tout ce travail sur soi et ses habitudes de vie, surtout de pensée, pour le coup, au quotidien, de se mettre en priorité, de prendre soin de soi, vivre dans le moment présent, etc. Relever les échecs aussi, se relever et être curieux. Tout ça, ça leur offre, pour certains, des milliards de dollars ou l'atteinte de projets phénoménaux. Mais surtout, pour moi, ils profitent à fond de leur vie et ce n'est pas forcément l'argent qui fait que, du coup, ils profitent. Même si leur but, c'était d'avoir 1 milliard d'euros, du coup, ils atteignent quand même, je pense, un certain bonheur. Même pour moi, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est justement toutes ces habitudes de vie qui fait que pleinement satisfait finalement de voilà, ce qu'ils ont fait. Comblé, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, c'était comblé. Parce que du coup, ils ont un mindset qui est vraiment positif. Et en plus, ils prennent soin d'eux, autant physiquement qu'émotionnellement. Donc avec toutes ces habitudes de vie, que ce soit pour devenir milliardaire ou autre, on est forcément bien. Parce que ça veut dire qu'on prend soin de soi, qu'on est dans l'introspection, qu'on se remet en question. Donc on est forcément beaucoup mieux que si on faisait absolument pas du tout ce travail et qu'on avait une hygiène de vie vraiment dégueulasse. La procrastination, le truc. Voilà, c'est exactement ça. Oui. et du coup, bah, ça me refait penser aussi pour conclure, c'est que Elon Musk, il avait dit dans une interview que lui, il courait pas après l'argent justement pour atteindre ce bonheur. C'est qu'il savait pertinemment que l'argent, pour ses projets à lui, évidemment, ça allait l'aider. On ne va pas faire des robots pour aller sur Mars avec rien en poche. Donc forcément, il faut de l'argent et en quantité. Mais pour lui, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent être comblé, c'est vraiment atteindre ses projets. C'est la satisfaction d'atteindre ses projets qui fait que du coup, il est comblé et parce qu'il est curieux et qu'il ne s'arrête jamais, etc. Donc du coup, là, pour moi, c'est faire toutes ces habitudes de vie pour qu'on se sente mieux déjà soi-même, dans notre corps, dans notre quotidien, dans nos relations, etc. Et ça, du coup, ça amènera à forcément une meilleure vie et donc atteindre nos objectifs de vie. Voilà, en conclusion, moi, je pense que l'argent ne fait... Enfin, être milliardaire ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce que tu as 1 milliard que tu es heureux. Voilà. C'est parce que tu as atteint tes projets et que tu prends soin de toi. Beaucoup Marion, donc être riche, ce n'est pas une histoire d'argent, mais plutôt d'accomplissement personnel, hein, c'est bien ça. Voilà, tu as très bien résumé. Justement, Marion, donc pour les personnes qui ne parviennent pas à s'épanouir dans leur vie, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas justement à connaître bien leurs propres envies, hein, ça arrive parfois, ou qu'ils se mettent des barrières, tout simplement, il ne faut pas hésiter à faire appel à un coach comme toi, par exemple, Marion. Un coach comme moi, oui. Ça fait ce que tu proposes, hein, en termes de services. Oui. Je propose plus, enfin, différents services suivant les objectifs, les budgets aussi, et puis le style d'accompagnement. Il y en a beaucoup qui veulent quelque chose de court mais intense, d'autres plus sur la durée avec plus un accompagnement profond. Donc voilà, il y a plein de choses sur mon site, tout est adapté et adaptable, donc il ne faut pas hésiter. Exactement, n'hésitez pas à rejoindre Marion en consultation privé, totalement personnalisé. Toutes les informations pour la retrouver sur son site internet beyourself.com, donc beyourself.com, c'est bien ça. Et on peut également te retrouver sur les réseaux sociaux, notamment ton compte Instagram, très inspirant pour suivre justement tous tes bons conseils et ta bonne humeur au quotidien. Donc pareil, Be Yourself Coaching sur Instagram. Toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo pour te retrouver. Marion, un grand merci pour ce sujet. Merci à toi. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.